بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الواحد وثلاثون 31e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب كملنا مرة أخيرة الدرس السابق. اليوم سندخل في الدرس 13 من الوحدة 13. Donc on va compléter avec ce درس aujourd'hui qui est le 16e du kitab de la 13e unité. بعنوان المساواة بالإسلام. المساواة بالإسلام يعني l'égalité en islam. المساواة للتسوية. أما كما سيظهر المساواة في الإسلام شيء واقعي واقعي وحقيقي إلا في بعض أمور، من حيث تطبيق العبادات والإجزاء، ولذلك فالمسلمون كلهم سواء على حد واحد. أمن حيث في هذه الدنيا وفي الآخرة فيتفاوت، من كان أتقى كان أرفع درجة لا شك، ومن كان أكثر علما وعمل بعلمه كذلك. وحتى بين الناس قد تجد شيئا من الفرق من حيث منزلتهم، يعني on peut trouver des différences par rapport au statut de la personne dans cette dunya. Comme nous l'avons dit, comme le gouverneur a un statut supérieur aux gens. Atiru Allah, wa atiru Rasul, wa uli al-amr minkum. Obéissez à Allah et obéissez et au détenteur du pouvoir entre vous, c'est-à-dire les musulmans. Donc le gouverneur, on lui doit obéissance. Fi ta'atillah. On n'obéit pas n'importe qui. Le gouverneur l'obéit et tout ce qui le représente. Également, les parents, les parents ont un statut supérieur sur les enfants. Ou toute personne également a une responsabilité décrétée par le gouverneur. Comme quand on dit gouverneur, ça englobe tout. Ça englobe pas seulement le chef d'État lui-même, mais tout ce qui a trait au contrôle de l'État en soi. Comme les militaires, la police, ce genre de choses, en islam on leur obéit. Fitaratillah. Demain, si un policier il vient, par exemple, dans un pays d'islam et qu'il contrôle, on ne dit pas, attends, on est pareil, laisse-moi tranquille. Non. Il dit, donne tes papiers, tu donnes tes papiers. Tu l'obéis. Ça, c'est chez les koufars. Fami mab al-awla an al-muslimin. Tu l'obéis. Si des lois ont été établies dans le pays pour veiller à la sécurité de chacun, aux droits de chacun, vous les respectez. Tant qu'il n'amène pas une mukhalafat, vous les respectez. Même si ce n'est pas un texte ou une loi qui est bâtie sur un hadith bidhatihi ou une ayah bidhatiha, faut obéir tant qu'elle n'amène pas une contradiction si elle a été mise en place par le gouverneur. Non, les ulama ils donnent. Ulama, comme on l'avait dit, les ulama ont un statut plus haut qu'autre que eux. D'accord ? Pour les gens. Et déjà, de toute façon, c'est une chose qui est dans les cœurs. Les ulama sont respectés. Alors Allah fait qu'on respecte les ulama. Et ainsi de suite. Mais la base, comme nous avons dit, c'est l'égalité entre les musulmans par rapport à leurs droits. Même si, par exemple, un gouverneur il a plus de droits que toi, il n'a pas le droit d'être injuste envers toi. sous prétexte qu'il est gouverneur. Il n'a pas le droit. Il y a des choses qu'il aura, des avantages qu'il aura lui, tu n'auras pas toi, dû à ses hautes responsabilités. Mais Yom El-Qiyama, il en rendra compte. Yom El-Qiyama, il en rendra compte, ça c'est sûr. Parce que Allah lui a accordé comme pouvoir, comme bienfait, dans quoi les a-t-il dépensé? Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il en a profité pour se remplir les poches, comme on dit, ou pour léser les gens, ou pour, on va dire, profiter d'eux, et ainsi de suite? Ou alors ce qu'il l'a fait pour propager la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le remercier, et pour justement aider à ce que les gens reçoivent leurs droits? Ils sont interrogés là-dessus. Vous êtes tous responsables ou gardiens de ceux qui sont à votre charge. Donc il y aura des comptes à rendre par rapport à ça. Quand le tabbaqa yutabbiqo, une kalimat jadida. Tabbaqa yutabbiqo, ça c'est appliqué. Tadbiq, c'est masdar. Appliqué. Ahadithu bimana akhbar. Il y a une idée des événements. Des nouvelles également. Atafarruqa al-unsuriyya. Là, c'est la division dans le sens du racisme ici. Unsuriyya dans le sens du racisme. Ou ce que des gens appellent des fois également la xénophobie. La xénophobie. Avec un X. La différence entre le racisme et la xénophobie. Et un île, racisme, le racisme, lui, c'est par rapport aux races. D'accord? Par rapport aux races en général. Le noir avec le blanc avec le noir, l'arabe avec le noir avec l'arabe, et ainsi de suite. C'est du racisme, en soi, par rapport à la race, à la couleur. Et la xénophobie, ce que je me rappelle, c'est plus lié au lieu. Au lieu. Par exemple, tu peux avoir un arabe d'un pays qui n'aimera pas l'arabe de notre pays. Les deux, c'est des arabes. Mais comme l'autre, il vient d'un autre endroit dans notre pays, il ne va pas l'aimer. Donc ça, c'est pas lié à la race, ça, c'est lié au lieu. D'accord? Même dans le pays noir, un noir d'un pays ne ment pas un noir dans notre pays. Ainsi de suite. Ça, c'est ce que, si je me rappelle bien, c'est ça la différence entre les deux. La xénophobie, c'est lié au lieu. Même des fois, dans un même pays, l'autre il est du sud, l'autre il est du nord, ah, c'est la guerre entre les deux. On a ça aussi au Yémen. Le nord et le sud qui veulent se séparer et tout. Il y a ça dans tous les pays, tu vois ça. Tu auras les gars du nord, les gars du sud, les gars de l'est, les gars de l'ouest, même dans la même ville. Dans la même ville, tu vas voir ça. Les gars de tel quartier, les gars de tel quartier. Et même dans le même quartier, les gars de telle rue, les gars de telle rue. Et même dans la rue, les gars de tel immeuble, les gars de tel immeuble. À chaque fois, ça, tu vois, ça veut dire, ça descend d'échelon. Jusqu'au jour, ça va être, tu vois. Ça va être dans un même appartement, les gars de telle chambre, les gars de telle chambre, tu vois. Ça arrête pas. Toujours une division qui vient. Tu vois, toujours une division qui vient. Mais la zone, cela fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Naam. Afon, aza yu'idhu. Ma'ana ardaba. Ani mettre en colère. Irrité. Kenna yukenni. Kenna yukenni, c'est appelé par la kunya. Ou donner le kunya. Et ça, c'est une grande marque de respect que d'appeler une personne par sa kunya. Contrairement à ce que vous pourriez croire. Quand tu dis ya ba fulen, ou ya ou ma fulen. D'accord? La kunya, c'est ce qui commence par kalimat abu ou Hein? Et qu'il n'a pas été donné à la naissance, contrairement au nom. Le nom, c'est ce qu'on te donne dès que tu nais. C'est ton nom. D'accord? La kunya, elle vient après. Mathalan, quelqu'un est né, On l'appelle Zayd. Zayd, son prénom. Parce que c'est la nièce de quoi ? De lui attribuer cette appellation de sa naissance. Zayd, c'est lui. Même s'il naît, et tu l'appelles par exemple Abu Zayd, et bien Abu Zayd, c'est son prénom aussi. La femme, c'est une kunya, mais ce que la personne a voulu parler, c'est son prénom. Toi, ton prénom, c'est Abu Zayd. Quand ton prénom, il a une femme de kunya, mais c'est un prénom. C'est pas l'Abu Zayd. D'où la faïda dans l'Irlande, qui a été apportée de Shamokville, qu'une kunya, comme tu as dû apprendre dans les Asma al-Khamsa, tu arabu turfa'u bil waw, wa tunsabu bil alif, wa tujaru bil ya. Ça, la matara, c'est le waw, celle du nasb, c'est le alif, et celle du jar, c'est le ya. Tu veux dire, ra'aytu uja Abu Zayd, là c'est un fa'il, il est marfoua. Il dit ra'aytu Aba Zayd, là il est mansoub, donc c'est un alif. Wa sallamtu ala Abi Zayd, là il est majrou, donc c'est un ya. Et bien quand c'est un prénom, ça se toujours avec le waw. Ja Abu Zayd, ra'aytu Abu Zayd, wa sallamtu ala Abu Zayd. Il ne change pas. Vous voyez, il ne change pas. Donc si tu as quelqu'un qui dit ça, c'est pas forcément une erreur. Jamais non, tu t'es trompé, tu dis déjà Raïtou Abu Zayd, tu dis pas Raïtou Abu Zayd, tu dis c'est son prénom, Abu Zayd. Je sais, tu dis c'est l'aspect de Kounia, c'est son prénom. Donc ça c'est que le waouh. Alal Hikaya. Tu l'appelles comme ça parce que c'est comme ça que son nom est cité. D'accord ? Par exemple, je crois que c'est ça le prénom de Cheikh Bakr Abu Zayd justement. Tu vois, parce que lui je vois justement que son nom n'est jamais. Il est tout le temps que le waouh. Et même des grands ulama quand ils le citent, ils connaissent le Nahou, bien plus que nous, ils disent tout le temps Ada Kitab Mine Sheikh Bak Abu Zayd. Ils disent pas Sheikh Bak Abu Zayd. Ils disent Abu Zayd. Donc j'ai pas demandé, mais je crois que ça c'est son prénom aussi. C'est pour ça qu'il y a souvent c'est dit comme ça. Rahimahullah ta'ala. Naam. Fahim tel kunya. Ama Ibn Fulan. Quand tu dis Ibn Zayd, fils de Zayd, c'est pas le kunya ça. Là, c'est ou un laqab ou un nasab. Si je me rappelle bien. Une appartenance quoi. Mais le nasab ça peut être aussi le lieu. Quoi que le. Ça sort dans le laqab. Ibn Zayd, masalan, ou Bintu Zayd, ça rentre dans le laqab. Ama Abu Fulan ou Um Fulan, ça rentre dans le truc. Et le kunya c'est pour obliger que t'as un enfant. Comme tu le sais. Une kunya c'est pour obliger que t'as un enfant. Tu peux t'appeler Abu Zayd et t'as pas de Zayd. T'as que Fatima. De toute façon, t'as même pas Fatima, t'as personne. Tu t'appelles Abu Zayd. Et appeler la personne par sa kunya, c'est une marque de respect. Une grande marque de respect. Et les koufars appellent ça un nom de guerre. Franchement, c'est. Nom de guerre, Abu Intel. Je fais, ah, c'est bon, t'as tout compris, toi. Franchement, mais n'importe quoi, tu vois. Les koufars croient malins, ils jouent les intelligents. Nom de guerre. Ouais. Là, il a un enfant, là. Sa kunya, c'est Abu Umair. Comme c'était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un petit oiseau qui est mort. Il dit, ah bah Omer, c'est un nom de guerre, c'est un petit garçon là, c'est un nom de guerre aussi. Ou la petite s'appelle je sais pas quoi, Mohamed. C'est un nom de guerre elle aussi. Vous réfléchissez à ce que vous dites. Franchement. Peut-être tellement ils veulent trouver un truc pour dire que les musulmans, tout le temps c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, tu vois. Et ben même leur kunya, c'est un nom de guerre. Genre quand il est normal, c'est Mohamed, quand il fait la guerre, c'est Abu Zayd. Je fais non, c'est Mohamed Abu Zayd tout le temps. Quoi qu'il fasse, et quand on l'appelle Ya Abu Zayd, c'est pas reste pour lui. Naam. Tayyib. Qal Zahab al-Khalifatu al-Rashad wa Rashid afan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila al-souq. واشترى تمرة ثم خرج من السوق وهو يحمل ما اشتراه فأراد أحد الناس أن يحمل عنه فقال له وقال له ألا أحمله عنك يا أمير المؤمنين فقال على معناه صاحب الشيء أحق بحمله ليبين للناس مبدأ هما من مبادئ الإسلام وهو المساواة. Bah là, Mabda, c'est plutôt fondement, ouais, après, et non pas commencement. mais ça vient de Bada'a, qui veut dire débuter, commencer. Le Bada'a, fondement. Donc il dit que le Khalifa doit, Ali ibn Abi Talib, est parti au souk. D'accord, il est parti au souk pour acheter des tamles. Puis il est sorti des tamles de Afad. Puis il est sorti du souk en portant ce qu'il a acheté. De là, une des personnes le vit et voulut porter pour lui. Et lui dit, ne porterai-je pas pour toi, ô chef des croyants? Donc il lui répondit, dans le sens, bien, il est propriétaire de la chose et plutôt droit de la porter. On dira comme ça. Et celui à qui appartient la chose est plus en droit de la porter. Et cela pourquoi, il a dit cela, pour clarifier aux gens un fondement primordial parmi les fondements de la religion qui est l'égalité. Bien, ce n'est pas du fait que lui soit le chef des croyants qu'on doit porter pour lui. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, que celui qui est gouverneur, ça veut dire, à la base, il est comme tout le monde. Il n'a pas profité de son statut pour pouvoir se servir des gens. Maintenant, s'il avait demandé, on porte pour lui, tu portes pour lui. Le gouverneur dit, porte ça pour moi, tu portes pour lui, tu vois. Mais c'est bien entendu, le comportement que Ali ibn Abi Talib a eu là, c'est plus noble. Pour dire, je suis gouverneur, mais je suis comme toi, je suis ton frère, je porte mes affaires moi-même, pas besoin de temps. Naam. Quand elle est, إن المسلمين قد تبكوا المساواة عمليا وفي كل في كل الأحوال على جميع الناس. Donc il dit, c'est que les musulmans ont appliqué l'égalité, ils l'ont appliqué avec la pratique, d'accord, en toute situation et avec toutes les personnes. وعلى الكل في نظر. On va dire que l'islam appelle à appliquer cela. Est-ce que, dans la réalité, les jeunes l'appliquent cela? Les musulmans ne l'appliquent sûrement pas. Sûrement pas. C'est ça le problème, justement. C'est qu'aujourd'hui, comme on dit souvent, les gens font l'amalgame entre le musulman et l'islam. Que pour eux, ce que le musulman fait, c'est forcément ce que l'islam appelle. Alors qu'on est dans une époque d'ignorance, grande ignorance, tu vois, et d'égarement, et que les musulmans, justement, aujourd'hui, malheureusement, n'appliquent pas bien sa religion. Donc, faut pas regarder ce qu'il fait à lui. S'il fait un truc bien, alhamdoulilah. Tu vois. Là, tu prends un exemple. Mais s'il fait une chose, toi, la balance du musulman, c'est le kitab wa sunnah. Tu regardes, est-ce que ce qu'il fait, ça correspond à sa religion? Amal, l'égalité entre les musulmans, aujourd'hui, bah, tu vois, le racisme, il est là, clairement. Lui, tel pays, il n'aime pas de tel pays, ainsi de suite. L'autre, il veut pas marier sa fille parce que c'est pas son pays. Il regarde pas si c'est quelqu'un de droit ou pas. L'autre, il vient pour marier sa fille en mariage. En premier, il regarde sa tête. Même par un moment qui vient, il dit quelle origine il est. Pas pour s'enseigner. Mais si j'entends par exemple, je sais pas moi, c'est un père sénégalais, on dit ouais ben le frère c'est un, je sais pas moi, c'est un de tel pays, un truc sénégal, c'est un marocain, on va dire c'est mort, il n'aura pas ma fille. Voilà. Après on dit, est-ce que c'est un sénégalais? Non, c'est un sénégalais. De quelle ville il est? Tu vois, au fur et à mesure, est-ce que de sa tribu ou pas? Est-ce que c'est un noble? Est-ce que c'est le rang des esclaves chez eux? Je sais pas quoi. Tu vois, il trie par élimination ce qui arrive, est-ce qu'il est comme moi? Tu vois. Et s'il n'est pas comme toi, il n'en veut pas. Même s'il est pieux, droit et tout, il n'en veut pas. Il veut pas de lui, pour sa fille. Je dis sénégalais, mais attention, il n'y a pas que tout le monde le fait. Hein. Les Marocains le font, Tunisiens le font, Algériens le font. Hein. Tous les pays, hein, j'ai dit ça pour l'exemple. Tu vois. Là, demain, il y a un gros rabbi qui vient, c'est un sénégalais de sa tribu, un gros pervers, il a plein d'argent. Oh, je crois que c'est plus heureux de se marier que sa fille. C'est pas sa vie qui se marie, c'est lui, on dirait. Il est heureux grave. Ah ouais, j'ai un beau fils. Il va me faire manger seulement celui-là. Je vais prendre du poids avec lui. Ah, il fait pas salade, je m'en fiche. Il a une grosse voiture. Il est directeur de l'entreprise Fulana. Ah, mais moi, ça m'arrange, moi. Alors, sa fille, elle est pieuse, chaste, ça la fille, hein, et tout. Elle veut pas ce type-là. Eh ben, le père n'a rien à faire. Fais-tu te marier avec lui. Et ça, mariageuse. Tu ne maries pas une femme sans son accord. Et encore moi, tu maries un pervers et une femme pieuse, sûrement pas. Donc cette moussaoua, aujourd'hui, elle n'est pas appliquée du tout. Donc quand je dirais pas du tout, très peu. il est عندما رحم الله. Même chez les salafis tu trouves ça. Malheureusement, tu vois. Je vais sur là, il dit kitab wa sunna la femme salaf salih. Tu vois, les salafis l'appliquaient. Mais nous, à notre époque aujourd'hui, c'est rare, tu vas trouver quelqu'un qui va être égal, tu vas trouver cette moussawa entre les musulmans. Rare, tu vas le trouver. Même chez les salafis. Tu vas trouver l'ansouriya, al-ta'assoub, ainsi de suite, par rapport au pays, par rapport à, même par rapport à l'argent. Les salafis qui vont peut-être pas marier leur fille avec un frère parce qu'il est pauvre. Chez les salafis, tu vas trouver, malheureusement. Ou un parce qu'il n'est pas marocain, ou l'algérien, ou les tunisiens. On a cette fuite, il ne veut pas voir la mariée. Chez les salafis. C'est triste ça. Malheureusement. Donc on dit attention à l'amalgame, ne pas se faire avoir sur le dîn en regardant ce que les musulmans y font. Parce que les koufars, ils aiment ça. Demain, un musulman va faire une khata, ils vont dire regardez, ça c'est l'islam ça. On dit non, c'est pas l'islam. Ça c'est Zayd, c'est tout. C'est juste Zayd qui a fait ça. Zayd, il a fait une erreur, c'est. Marsouba à la Zayd, laisse Marsouba à l'islam. Et ils le savent très bien en plus, hein, c'est juste pour trouver une excuse. Demain, Zayd il va violer une femme, on dit regardez, l'islam c'est une religion de viol. Je suis ah ouais, en islam on te dit qu'on te lapide si tu forniques, et tu dis qu'on vit dans des violeurs, non. Ah, si lui il viole sans problème. À la base, on fait l'islam, on le lapide lui. On le fouette si jamais il n'a pas connu de mariage avant. Qu'est-ce que tu racontes contre des violeurs? Regardez, Zayd il a volé. L'islam c'est des voleurs. Je suis en islam, on coupe la main du voleur. Donc arrête s'il te plaît de dire qu'on est des voleurs. Zayd, c'est mon étant le Daoula islamia, sa main elle a sauté à Zayd. Donc dis pas Zayd, l'islam c'est des voleurs. Il dit Zayd c'est un voleur. Il dit aujourd'hui il y a des musulmans qui volent. Non, ben, l'islam n'appelle pas à voler, pas du tout. Et c'est vous les voleurs. Et ainsi de suite. Donc attention, pas se faire avoir par l'amalgame du bien différencié entre l'islam, ce à quoi l'islam appelle, ce que les musulmans y font. Et on dit pas non plus que quelqu'un qui vole c'est un kafir. Pareil. Là, il est fort pour la tafrit. C'est un musulman, mais c'est un fasiq, c'est un assi. Tu vois, il se peut qu'Allah lui pardonne au Qiyam. Fouma qal. Tayyib. Wa yusma al-yawma 'inda ba'd al-umam ghayr al-islamiyya fi al-sharq wa fi al-gharb ahadithu 'an al-masawa. Et aujourd'hui, on entend, par certaines communautés, n'étant pas islamiques, en Occident et en Orient, des paroles qui tournent autour de l'égalité. ولكننا نشاهد في بعضها كلاما لا عملا. Cependant, nous constatons dans certaines d'entre elles juste des paroles et pas d'actes. Mais je dirais plus, c'est pas si في بعضها في كلها. Toutes, il n'y a pas d'égalité. Parce que là, ils visent quoi les pays qui ne sont pas d'islam? Il n'y a pas d'égalité. Même dans leur communisme, là, qui parle sur disant que tu ne possèdes rien tout au peuple, il n'y a pas d'égalité. C'est tous des mensonges. Tous des menteurs. Communisme. On est tous égaux dans les biens. Même ça, c'est des menteurs. Donc il dit وَأَزْدَقُ دَلِيلِنَ عَلَى ذَلِكَ مَا نُشَاهِدُهُ الْيَوْمَ مِنَ التَّفَرُّقَ وَالْعُنْصَرِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِنِ. Donc il dit, après avoir dit que nous avons constaté qu'il y a cela ne sont que des paroles et pas des actes, et que la plus véridique des preuves, c'est ce que nous constatons aujourd'hui comme division et comme racisme dans beaucoup de sociétés. Ah ouais, fil mujtama'atin kathira, il avait écrit en bas kathira. Bah comme nous l'avons cité dans un dersa, hein, je sais pas si tu te rappelles, par exemple la France, liberté, égalité, fraternité. En disant on est égaux, on a déjà parlé de ça. L'égalité, je sais pas où est-ce qu'elle est, dans leur poche peut-être, dans leurs chaussettes, en tout cas, elle n'est pas dans les cœurs, elle n'est pas dans le. Sur le loi, elle est écrite. Elle n'est pas appliquée. Pas du tout. On n'est pas égaux du tout. Il n'y a pas que la France, plein de pays, c'est comme ça. Tu crois que t'es là pour écouter les droits du peuple, les droits des citoyens, je sais pas quoi. Tout ça, c'est que de la tchatch. Il dit également du racisme qu'on voit dans beaucoup de sociétés. Et lui, quand il dit ça, il vise les pays qui ne sont pas islamiques, mais on dit que c'est pas vrai non plus. Dans les pays d'islam, c'est présent. Fortement présent. Fortement présent. Dans les pays d'islam, le racisme il est fortement présent. Il est peut-être plus flagrant chez eux que chez les koufars. Parce que les koufars, ils ont tellement un souci de leur opinion publique et de leur image, Parce que tu les bloques, ils sont obligés de faire style. Par exemple, demain, je sais pas, on va faire des lois contre l'antisémitisme, soi-disant. Faut pas parler sur les juifs. Attention, parle pas sur les juifs, sinon demain, t'es voilà quoi. Donc demain, on dit tu parles mal à un juif. Tu lui parles même, tu vises même pas sur sa religion, juste pour la personne. Je sais pas, c'est Jonathan là. Jonathan, il a fait un sale coup. Et Jonathan, il a eu des problèmes avec avec Zayd. Tu vois? Mais Zayd, il veut se prendre à Jonathan juste pour une histoire d'argent. Rien à voir avec sa religion. Et bien, on va dire, t'es un antisémite. Tout de suite. Problème, catastrophe. T'as touché un juif, attention. Attention. On va dire, t'as touché à. Pour eux, pire que si tu parlais sur Jésus pour les chrétiens. Touche pas aux juifs. Tu te rappelles avant, touche pas mon pote? Voilà ce que je peux aux juifs. C'est pas une main, c'est un point, tu vois. Touche pas aux juifs, sinon tu vas te prendre des coups. Touche pas aux juifs. Attention, le juif, il est intouchable, soi-disant. Alors qu'il est mal'oun, il a dit le dunya. Et la personne la plus détestée au monde, c'est les juifs. Même chez les koufars, le juif, il les aime pas dans leur cœur. Il les déteste. Eh ben, tu vois, un mal muslim, lui, tu fais ce que tu veux sur lui. Pas de problème. Par contre, demain, un muslim, on va dire qu'il a un peu les moyens de se défendre. Pour un avocat, je sais pas quoi. Là, devant l'opinion publique, on va faire style de le défendre, de lui rendre ses droits. Pour pas qu'on dise justement que ce sont des menteurs. C'est comme ça qu'ils sont bloqués, les koufars. Surtout la France. Comme, genre, parce qu'ils mettent des lois, et ces lois-là, souvent, sont applicables contre eux. Parce qu'ils veulent les détourner, quelqu'un qui les connaît un petit peu, il peut les bloquer avec. Et là, devant la masse, ils sont obligés de faire genre, ouais, c'est vrai, allez, il faut rendre son droit, on était injuste, je sais pas quoi. Mais dans les pays d'islam, dégage. Ça marche pas, ça. Va te plaindre aujourd'hui, là, ici, que, il t'a appelé, je sais pas moi, dans le magasin, il t'a sorti parce que t'es pas yéménite. Va te plaindre. Tu as plaindre auprès de qui? Enfin, du policier? Il a dit à Sadak. Il a dit à la raison, sors de là toi aussi. Il a dit ça ou je t'aime en prison moi aussi. C'est pareil, ici il n'y a pas de. Mais ici on va dire c'est un peu plus. C'est moins hypocrite. Voilà. En France c'est plus hypocrite. Tu vois, ils font style non, nous il y a les droits, l'égalité, c'est des hypocrites. Ici il va être cash. Il va dire dégage, je vais te dire. Et il sort de là, il y a calme. Faire comme ça, tu vois. Il y a Wassir, il va être ça, sort de là. Je préfère encore ça. Moi, je sais à qui j'ai affaire, tu vois, plutôt que quelqu'un qui fait style, non, on est égaux, vous êtes citoyens, vous avez vos droits, et quand tu viens, il crache au visage. Ici, au moins, c'est du direct. J'étais en Égypte, c'est pareil. Moi, en tant que noir, voilà, quoi. Je l'ai vu, j'étais noir là-bas. Ah, je l'ai vu clairement, j'étais noir. Déjà, physiquement, ça se voit, mais dans leur regard, dans leur comportement, ça se voit aussi. T'es pas comme eux. Et là-bas, il n'y a pas tu as quand même tes droits. Au Yémen, pareil. C'est un pays à beaucoup de traits, mais ça, le racisme, il est présent. On peut pas nier, hein. Ici les noirs ils sont pas comme voilà quoi. Ou celui qui Ah par contre le blanc il est. Mo'azzam. Même chez eux, un blanc il vient, c'est. On dirait c'est de l'or. Une femme blanche elle se marie au Yémen, attention. Ah le mahr, t'as intérêt à économiser. C'est une femme blanche, t'as intérêt à économiser. Même si elle est pas belle. Du fait qu'elle soit blanche seulement, c'est un kenz, c'est un trésor. Ah ben l'autre, elle est plus foncée, elle est moustaquée ou quoi, elle a moins de valeur. Comme ils disent, je veux une française, je veux une américaine, je veux une anglaise, des minutes, c'est comme des fous. Je me battre quand tu auras une française, tu vas voir ce qui t'arrive à la maison. Tu vas voir ce qui va t'arriver à la maison. Tu vas vite retrouver la minute. Parce que pour le comportement, c'est pas les mêmes. Les femmes minutes, comme je te dis, elles sont connues pour être humbles et tout, modestes. Les françaises, elles sont plus. Elles ont plus une éducation d'indépendance, hein, des femmes émancipées, des femmes libérées, des féministes. Et même des sœurs, c'est encore dans leur cœur, un peu ça, tu vois. La maladie dans leur cœur, c'est encore là. Alors que les yéménites, c'était à la maison, c'était. Tu vois, marche droit. Et c'est trop bel patron en général. Mais eux, ils veulent la télévision. Sur les marques de savon, sur les marques même de l'huile, tout le temps une femme blanche. Donc ils veulent ça. Tu vois, ils mettent la télévision, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une femme blanche en train de danser. Ils font, je veux celle-là. Je veux celle-là. Je veux la même. Et donc de là, les koufars, ils ont mis leur poison de pouvoir glorifier le blanc. Même s'il n'est pas musulman ou quoi, c'est le blanc. Voilà. Moi, je dénigre pas les blancs, je dis ça juste pour. C'est le worker. Ouais. Voilà. Le blanc, c'est celui qui est mis comme étant la couleur référence, la race référentielle, ainsi de suite. Alors que, comme encore le ta'ala, inna karamakum indallah atqakum. Naam. Donc après, il dit, fil islam, la fadl li arabi ala ajami, ou la ajami, ou la li abiyad ala aswad, ila bit taqwa. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. Donc là, vu qu'il parle correct, il dit bien, fil islam, en islam, Ça, c'est la vérité. En islam, pas de préférence de l'arabe sur le non-arabe, ni le blanc sur le noir, si ce n'est pas la taqwa. D'ailleurs, le meilleur, c'est celui qui est le plus pieux. Et après, il a apporté le hadith, apporté par Tirmidhi, que les gens sont les fils d'Adam, alayhi salam, et que Allah a créé Adam de terre. Et ça, c'est vrai. Là, c'est une bonne parole, c'est en islam. Maintenant, qui c'est qui vraiment applique l'islam? C'est ça le problème. Qui suit bien l'islam? Qui suit pas les coutumes de son pays ou l'éducation que ses parents lui ont apporté? C'est l'islam. L'islam appelle à ça. On est tous égaux. Bien que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, dit que la meilleure des races, c'est les Arabes. De façon, dans une vue d'ensemble, que la race arabe est meilleure que les autres. Pas l'arabe est meilleur que l'autre, mais la race arabe. Pourquoi? Car déjà, premièrement, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient d'eux. Le Coran, c'est leur langue. Al-Wahi, l'islam, yani l'akhir, nazala fi makarlihim, dans leur lieu. Par exemple, demain, si un man awla en yakuna ulil am, c'est Jean de Quraysh. À la base, le gouverneur parmi les choses, c'est de Quraysh. Donc, il faut que, de façon, la race arabe de façon générale, d'accord, est meilleure. Maintenant, c'est pas du cas par cas. Tu vas trouver un noir, un blanc, un rouge meilleur que bien nombre d'arabes. Mais la race arabe en elle-même a un rang un peu supérieur. Parce que tu regardes bien, le mérite, beaucoup de mérite revient vers eux. Déjà, ils vont pas mettre ce que je veux dire là. Maintenant, ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte lui. Mais c'est la vérité. Et Cheikh Al-Islam, il a bien prouvé ça dans Iqtida al-Mustaqim, il le dit bien. Mais ça ne veut pas dire que l'arabe, tu l'élèves plus qu'un autre. D'accord? Mais la race arabe en elle-même a été plus ennoblie que les autres. Plus ennoblie que les autres. Mais tu n'as pas à avoir un complexe que tu n'es pas un arabe. Non. Tu vois? Non. Naam. Fuma qal, jaa rajulun ila Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, yashku Ali ibn Abi Talib, wa huwa jalisun ma'ah. Fa qala lahu, يا أبا الحسن قم وقف مع صاحبك فقام علي وقد تغير وجهه فسأله هل غاضك وقوفك مع ذلك الرجل فقال علي لا ولكنك كنيتني ولم تكنه فخشيت أن يأخذ في نفسي شيئا. Donc il dit qu'un homme est venu à Omar ibn al-Khattab pour se plaindre de Ali, alors qu'il était assis à côté de lui. Donc il lui dit, c'est-à-dire Omar dit à Ali, lève-toi, ou Abul Hassan, et tiens-toi avec cet homme. Là, je sais pas s'il veut dire, tiens-toi debout à côté de lui, ou viens pour régler le problème, parce que prise, ça peut avoir plusieurs sens. Là, je sais pas vraiment c'est quoi le sens qui évolue. Alors, Ali s'est levé, et son visage avait changé. Donc Omar lui dit, est-ce que le fait que je te mette debout avec lui t'irrite? Donc il lui dit, Ali, non, cependant tu m'as appelé par ma kunya et pas lui. Donc j'ai craint qu'il ne prenne dans son nefs, qu'il ne soit vexé ou touché par cela. Pour te dire que le fait d'appeler quelqu'un par sa kunya, c'est une marque de respect. Tenaitani, c'est comme il dit, Ya Abel Hassan. Il a appelé Abel Hassan. En même temps, donc il a voulu être égal. Si je m'appelle moi par ma kunya, alors lui aussi. Comme demain, par exemple, tu es pote à quelqu'un, tu as deux hommes, on dit que tu vas être, je sais pas moi, on va retourner au Sénégal, par exemple. T'en as un, sa kunya c'est Abu Zaid. Et l'autre, c'est un Algérien. Il s'appelle Abu Mohamed. Le juge, c'est un Sénégalais. Pareil. Donc il dit, Ya Abu Zaid. Comme au Sénégalais. Il y a le Jazaïri, comme. Il était égal entre les deux. Ah, là quand je l'appelle El Jazaïri comme ça, il y a une forme de rabaissement. Alors qu'il connaît sa kunya, c'est Abu Mohamed. Il n'a pas dit Abba Mohamed comme. Il a dit Abba Zaid au Sénégalais, il y a le Jazaïri comme. Il y a déjà rien que dans le. Verbalement, il a déjà fait une différence entre les deux. J'ai déjà dit, oh, c'est chaud pour moi là. Je la sens pas celle-là, il se dit, ouh, ça va pas être bon pour moi là. Il ne m'a pas appelé Yahba Mohamed, son copain l'a appelé Yahba Zaid. C'est chaud. Non. Donc en tout cas, par rapport à ça, qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'élève personne si ce n'est pas leur taqwa et leur droiture et leur science, si elle est appliquée. Pareil, la science aussi, hein. Al-Qur'anu hujjatun laka 'alayk. Quelqu'un qui a de la science, on va dire, plutôt, des mahfouzat qu'ils n'appliquent pas, il va être abaissé. Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés à qui? Les juifs. Mais c'est le himar, yahmilu asfar, comme l'âne qui transporte des livres. C'est-à-dire celui qui a appris des choses, qui ne l'applique pas, il est rabaissé grave aussi. Aussi, la compare à quoi? Au calme. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comparé à quoi? Celui qui a appris de la science, qui ne l'applique pas, qui suit ses passions, Allah l'a comparé au calme. On peut dire que c'est rabaissant. Donc, demain, quelqu'un qui vient, qui a appris beaucoup de choses, qui n'applique pas, eh bien, peut-être plus grand bac que celui qui n'a pas appris, mais que le peu qu'il est, il l'applique. Voilà. Et al-jahl al-salam afdal min ghayma al-dalala. Tu vois, l'ignorance sur, on va dire, une sérénité meilleure qu'une science sur un égarement. Pour nous l'appliquer. Et c'est ça qui a été le principal reproche fait aux juifs, c'est qu'ils avaient la connaissance, mais qu'ils n'ont pas appliqué. Non, on attend de commencer un petit peu ou. Ouais. Je vais voir, attends, s'il y a beaucoup après. On va commencer un petit peu, Inch'Allah. T'en as déjà fait quelques-uns, toi? Taïeb. Hein? Non. Taïeb, tadrib al-awwal. Akmil kama fi namouzaj. Namouzaj yakoul shay'un ahakku haml. فقال الرسول صاد ça c'est خطأ pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Il y a pas d'abréviation, il y a pas d'abréviation, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bizarre dans un livre comme ça ils t'apprennent ça. Sad sahibu shay ahakku bihamlihi. Par contre ils attribuent cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que dans le texte c'est Ali. Est-ce que Ali c'est aussi un hadith qu'il rapporte parce qu'il a dit ça? Ça je sais pas, je connais pas ce hadith, si jamais ça en est un. Je connais pas. Donc, là on a lié les trois mots. Sahibul shay ahakku bihamlihi. Donc on fait pareil avec les phrases suivantes. Tiflun adara l'aura. نعم فقال له جاره والده أفضل سي والدته نعم la mère de l'enfant hein, connaît mieux sa langue, son langage on va dire. La mère de l'enfant, quand l'enfant, par exemple je sais pas moi, tu vois un petit qui gazouille ou qui parle, des fois tu sais pas ce qu'il dit, la mère c'est ce qu'il dit. Tu vois, c'est vrai qu'il va te faire une c'est la mère ou le père. Même moi, des fois, ma fille, elle parle, je sais pas ce qu'elle me dit. Elle me parle, je qu'est-ce que tu dis? Je sais pas ce que tu me dis, tu vois. Sa mère, elle dit ça. Je dis, ah. Donc, au fur et à mesure, j'apprends du vocabulaire, tu vois. La langue infantile. Elle, mais au début, des fois, elle me parle, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis? Elle répète un mot, hein, je vais me dire un mot. Après, elle part contente, hop, elle s'en va, elle dit ce qu'elle voulait. Naam. Tayyib. Yatimun. أحق تربية فقال له ابنه عمه donc t'as l'orphelin plus en droit éducation non que l'oncle paternel de l'orphelin est plus en droit de son éducation, c'est-à-dire le frère du père. C'est quoi le yatim? On répète souvent man el yatim. C'est sûr? Ouais, l'yatim, c'est celui qui a pas de père. Hein? Ouais, l'yatim, c'est celui qui a pas de père. Donc en fait, on va dire, on est presque tous des yatam. Presque tous. Le père, il est mort, c'est un yatim. Ouais, au bas âge. Ah oui, ouais, précise. Qui n'est pas encore pubère. Sinon, khalas, il y a plein de yatam, là. Des gens, ils sont grands, là. La père, ils sont morts. C'est pas des yatam. Et celui dont le père est mort, alors qu'il était encore, il n'était pas encore pubère. C'est le yatim. Naam. Ayib. Koryatun adra akhbar. Il y a des contrées, village, طيب فقال له الزائر ساكن دونك لو فيزيتور ا دي ساكن القرية ساكن القرية أدرى لأخبار لأخباري بأخبارها que le résident d'une contrée, d'un village, est plus connaisseur de ces nouvelles, de ces informations, de ce qui s'y passe. فقال له طيب ذهب أدرى ثمن l'or, plus connaisseur, le prix. فقال له المشتري بائع le vendeur بثمنه que le vendeur de l'or est plus connaisseur de son prix. طيب صاحب دار دار نعم نعم c'est l'acheteur. طيب صاحب دار يعني غايق دار دار صاحب دار أدرى بيت فقال له الرجل Bi. Chaque fois c'est B. Que le propriétaire de la maison en est plus connaisseur, on va dire. Là, là, c'est Bi. Il est plus connaisseur de sa maison, ce qui s'y passe. Tayeb, Akhi, Aoula, Maken. Mon frère, plus endroit du lieu, la place. Faqala lahu, Zamiluhu. Aoula. نعم طيب كتاب أدرى أحاديث un livre du connaisseur des faits des paroles فقال له الحاضرون les gens présents ont dit قارئ الكتاب أدرى بالأحاديث بأحاديثه que celui qui lit le livre en connaît mieux les faits. طيب سجن أحق حبس donc la chute de la prison أحق plus endroit et حبس là c'est dans le sens de détention être retenu bien que حبس tout seul ça peut être aussi une prison à la base ça vient de حبسه حبسه qui veut dire retenir quand on dit فلان dit le حبس c'est il est en prison il est retenu détenu. Et Sijn, ça aurait plus un sens de prisonnier. C'est la prison, moi, Sijn. Aussi, ouais. Sijn seul, c'est la prison. Et Habs aussi, c'est la prison. Mais par exemple, on te dit, toi, je t'ai mis en Sijn. Je t'ai mis en prison. Mais toi, t'es Mahbous, t'es retenu. C'est-à-dire, tu peux être dans une pièce à part. C'est un Habs pour toi. C'est un lieu où t'es retenu. C'est pas forcément une prison comme on la connaît. C'est t'es retenu quelque part. Mais quelque part, ça a un sens de. Tu vois ? Ça revient à peu près au même. الله أعلم. فقال له الحارس جندي. جندي السجن. أحق للحبس. بي. نعم. donc le gardien a dit جندي السجن. يعني je sais pas s'il veut dire le maton. Et plus endroit. Là j'ai pas compris. Ce qu'on dirait que plus endroit d'être détenu, ou je sais pas, tu vois, c'est étrange. Parce que le maton, il est pas détenu, il est libre à la base. Je sais pas, c'est un truc qui m'a échappé ou quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être du fait que le maton, il est tout le temps dans la prison, donc il est comme un détenu. Voilà, Alain. En tout cas, RMG, t'as compris comment formuler la phrase. Azao. Ça y est. Il est quelle heure, là? خلاص نقفنا إن شاء الله مفهوم؟ طيب والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام أفاف.com